Le vif de l'histoire, Jean Lebrun. Ces derniers jours, le préfet de police n'a pas échappé aux critiques. La gauche le verrait bien servir de fusible. Alors cela dit, le Premier ministre lui a renouvelé sa confiance ce matin. Regarde historien, préfet de police, c'est une fonction difficile, mais qui peut se targuer d'être l'héritière d'une grande tradition régalienne. En 1667, Bruno, Louis XIV unifie la police de la capitale sous l'autorité unique d'un lieutenant général qui s'appelait l'Araignée. Le lieutenant général ensuite élargit peu à peu son périmètre. C'est lui qui est jugé responsable de l'air qu'on respire à Paris, de l'eau qui coule dans la Seine, du feu qu'en prennent les incendies. Et pour la police, proprement dite, il dispose d'une vingtaine d'inspecteurs, autant que de quartiers. 48 magistrats, les commissaires au Châtelet, collaborent avec lui. Il peut faire appel aux gardes français et suisses, qui dépendent directement du roi. Et il a sous son commandement propre la maréchaussée et les soldats du guet, vous savez, ceux qu'on nomme pousselets. On voit bien ce qu'ils sont amenés à faire. Plus 3000 informateurs et espions qui le préviennent des dangers à venir. Mieux vaut en effet prévenir les désordres que de devoir les purger. Première maxime. Ayant rang de quasi-ministre, pouvant accéder directement au roi, il est le chef d'une administration sans équivalent sous la monarchie. Un homme puissant, donc. Une fois établi au XVIIe siècle, cette puissance de la lieutenance générale, eh bien, ses titulaires au XVIIIe étaient régulièrement ramenés à la mesure par les événements. Oui, parce qu'ils étaient obligés de constater que les Parisiens faisaient souvent un mauvais parti à leurs agents subalternes, les mouches, les espions, qui étaient insultés, frappés quand on les jetait pas dans la Seine. En revanche, ceux qui étaient identifiables dans leur quartier et tenaient exactement leur rôle étaient respectés. Deuxième leçon, la puissance de la loi exposée tranquillement au regard de tous ne craint le regard de personne. Attendez, je note. Voilà, ça c'est fait. Surtout quand la loi est capable de bienveillance. Le journal de Hardy, un libraire moraliste, tient ainsi à consigner ce fait. Une femme, surprise à voler du pain et amenée au commissaire du Châtelet de l'endroit, qui se rendant aussitôt au domicile de la dame, y trouve son mari pendu, désespéré par la misère. Eh bien, le commissaire paye le pain volé et arrête la procédure. Les Parisiens apprécient que la police soit compatissante aux pauvres. Cet épisode date de 1767 sous la lieutenance de Sartine. C'est précisément la période où Nicolas Le Floch est commissaire au Châtelet. Souvenez-vous, Bruno, Nicolas Le Floch. Les livres de feu Jean-François Parot, la série télévisée. Ce jeune homme séduisant, gourmand, mais surtout juste. À son époque, les services de Sartine fonctionnent si exactement que lorsqu'il y a une difficulté, le lieutenant peut espérer l'étouffer. Ainsi, l'inspecteur Trousset, il était chargé de la surveillance des jeux. Ben, il jouait lui-même énormément, il trichait exagérément, lui a demandé sa démission en échange de sa discrétion. Bon, enfin, l'affaire a eu des suites, puisque on s'en souvient, mais l'important était qu'on avait cru pouvoir la régler en interne, pas besoin d'IGPN. Alors, néanmoins, au long de ce siècle où la lieutenance générale de police pouvait servir de modèle, non seulement dans les provinces, mais à l'étranger, il y a eu des crises. Oui, bah, tenez, prenez 1750, le lieutenant de police Berryer rompt soudain le compromis qui maintient l'ordre. Sous prétexte d'arrêter des mendiants et des déserteurs, il a fait enlever des jeunes gens qui n'en étaient pas en fait. 10-20 émeutes ont éclaté cette année-là qui sont venues battre les murs de son hôtel de l'île de la Cité. Dernière maxime, une tolérance calculée à l'égard de ceux qui sont sans domicile est préférable à l'excès. Ce sera la politique du successeur de Berryer, Sartine, la politique de Nicolas Le Floch. On pourrait le nommer mercredi prochain, préfet de police. C'est noté, merci Jean Lebrun.